Le 6 juillet, le porte-parole de l'Institut du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, chargé du problème des États-Unis, a répondu aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée posées à propos de la prétention au sein des États-Unis sur l'application de la soi-disant troisième stratégie de neutralisation à appliquer dans la péninsule coréenne. En voici le résumé. Peu de temps auparavant, lors du symposium déroulé à l'Université Georgetown des États-Unis, les anciens fonctionnaires et les experts américains du problème de l'Asie-Est ont affirmé qu'il faut appliquer la troisième stratégie de neutralisation en prétendant qu'il est impossible de prévenir la menace nucléaire et de missiles de la Corée du Nord avec les manifestations militaires, telles que les exercices militaires conjoints et l'engagement des bombardiers stratégiques. Cette stratégie élaborée en 2014 par les autorités militaires américaines consiste à moderniser les armements par l'introduction des techniques militaires de pointe, à renforcer la capacité de cyberguerre et de combat électronique face à l'accélération de l'exploitation des armements dernier cri des autres puissances et à perfectionner sur cette base le système synthétique de commandement opérationnel. L'argument américain sur la mise en œuvre de la stratégie en question contre notre pays est une expression de l'hostilité extrême visant à étouffer la Corée socialiste par la mobilisation générale des forces conventionnelles, des armements nucléaires et même des armements de pointe. Voire, c'est un dévoilement de leur ambition sournoise de réaliser ouvertement la suprématie militaire en Asie-Est en mettant en cause notre République. Si les États-Unis ne veulent pas la fin misérable dans la confrontation générale coréo-américaine, ils doivent faire un choix sérieux en comprenant exactement la position stratégique de la Corée socialiste et le changement de l'époque. Face aux démarches des Américains qui ont empiré à l'extrême la situation de la péninsule coréenne par l'introduction en Corée du Sud de leur armement nucléaire et poursuivent aujourd'hui la supériorité de leurs armements de pointe, nous renforcerons par tous les moyens notre dissuasion militaire incontestable, capable de les neutraliser d'un seul coup.